Comment disait-on féminicide au XIXe siècle ? Grâce à la mobilisation des mouvements féministes, la lutte contre la violence faite aux femmes est devenue, au cours de ces dernières décennies, une grande cause nationale. Ce progrès social s'est traduit, comme c'est souvent le cas, par l'irruption d'un mot nouveau, féminicide. Il ne faut pas croire pour autant que la condamnation de ces violences serait un phénomène récent. L'étude des archives judiciaires montre en effet que la justice pénale a mené, dès le XIXe siècle, un important travail de reconnaissance et de traitement de ces actes répréhensibles. Dans ce domaine aussi, la Révolution française a ouvert la voie, en intégrant dans le nouveau droit une circonstance aggravante pour les cas de violence commises sur une femme. Cette circonstance aggravante a même été désignée par un mot nouveau, conjugicide, visant à nommer une peine assimilée à celle du parricide. Qualifiant littéralement l'homicide conjugal, cette expression montre bien que les juristes de la période révolutionnaire ont pris en considération les violences perpétrées dans le cadre du couple, afin que leur spécificité soit reconnue pénalement. On constate pourtant que le code pénal de 1810 n'a pas retenu le conjugicide. C'est l'une des conséquences de l'adoption du code civil en 1804, qui devient alors la seule référence juridique pour gérer les conflits conjugaux. Étant donné que le code civil considère la famille comme une petite patrie, dont la gestion et le commandement sont dévolus naturellement au mari, la violence masculine au sein du couple, qui était sanctionnée par le code pénal, échappa à l'emprise de la loi. Néanmoins, tout au long du XIXe siècle, les magistrats ont tenté de trouver des solutions pour réprimer ces violences en s'adaptant aux règles des codes napoléoniens. Ceux d'entre eux qui prenaient en considération les plaintes déposées par les victimes ou leur entourage n'incriminaient jamais des violences explicitement conjugales car ils s'efforçaient de les relier à des infractions inscrites noir sur blanc dans le code pénal, assassinat, meurtre, empoisonnement, coups et blessures, etc. Mais ensuite, ils s'attachaient à démontrer la spécificité de l'acte répréhensible quand une femme en était victime, en invoquant souvent la notion de « tyrannie domestique ». C'est pour des raisons juridiques identiques que les juges ne posaient jamais aux prévenus des questions comme « Pourquoi frappez-vous votre conjoint ?» car on aurait pu leur reprocher d'orienter l'interrogatoire afin d'établir une intention coupable. Pour comprendre comment les magistrats du XIXe siècle ont tenté, malgré l'obstacle du code civil, d'aider les femmes à lutter contre les violences qu'elles subissaient de la part de leurs conjoints, il faut donc braquer le projecteur de la recherche historique au niveau de leur travail quotidien, en examinant ces affaires au cas par cas. En effet, étant donné qu'à cette époque les violences conjugales ne constituaient pas une catégorie d'infractions rigoureusement définie, les magistrats qui voulaient les réprimer devaient naviguer à vue entre les principes, la loi et la pratique.